Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le Taj Mahal. Ce monument, donc, qui est né d'un chagrin d'amour, devait être, dans l'esprit de son maître d'œuvre, le Shah Jahan, le plus beau que les hommes aient jamais connu. Ce monument, né d'un chagrin d'amour, comme le dit le réalisateur et auteur François Jobin dans cet extrait de l'émission L'Aventure de juin 93, ce monument, le Taj Mahal, est aussi parfois carrément qualifié de poème d'amour gravé dans le marbre. Le Taj Mahal est aujourd'hui l'un des monuments les plus visités dans le monde. C'est l'un des grands chefs-d'œuvre du patrimoine de l'humanité, un joyau de l'art musulman indien. Un monument à l'être aimé, le Taj Mahal. À Agra, dans le nord de l'Inde, se trouve le Taj Mahal avec ses tours grimpant dans le ciel. Achevé en 1654, sa beauté était réputée pour dépasser celle du paradis. Le Taj Mahal s'inscrit dans un style islamique. Les arches de pierre réalisées grâce à une construction symétrique relève d'une incroyable prouesse architecturale. Les meilleurs constructeurs et artistes ont travaillé sur ce mausolée pour qu'il soit la fierté de l'Empire moghol. Arrivé à son apogée, le chef de l'Empire se nomme Shah Jahan. À qui a-t-il dédié ce mausolée? La réponse: ce cercueil placé sur l'axe central du mausolée est un cercueil de pierre dédié à sa femme, l'impératrice. Il est décoré de jaspe et de jade et est protégé par du marbre finement taillé et ajouré. Son amour profond et sa grande affection pour l'impératrice s'expriment à travers ce travail. Extrait d'une vidéo présentant le Taj Mahal produite par l'UNESCO en 2010. Le Taj Mahal qui a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1983 pour nous présenter ce joyau de l'art musulman indien, pour nous parler de son histoire surtout. Je reçois l'historienne Evelyne Ferron. Evelyne, bonjour. Bonjour. L'histoire du Taj Mahal, on l'a entendu déjà avec ces deux extraits qu'on a présentés. Cette histoire, elle est étroitement associée à cette grande histoire d'amour de l'empereur Shah Jahan et de son épouse préférée, Mumtaz Mahal. Dans quel contexte est donc construit le Taj Mahal? Le Taj Mahal naît en fait effectivement d'une histoire d'amour qui est unique dans l'histoire indienne, dans l'histoire même musulmane au sens général. C'est une relation amoureuse, surtout pour un couple royal qu'on a rarement vu dans l'histoire, entre un empereur moghol quand même, qui gérait un territoire gigantesque de plus de 100 millions de personnes, qui devait assurer une descendance, donc il y avait 6 épouses officielles plus un harem autour de lui pour avoir le plus d'héritiers possible. Et généralement, en raison de ça, la plupart des empereurs moghols, même les empereurs persans, étaient rarement associés à une seule épouse dans leur histoire et on les voyait rarement passer du temps toujours avec la même. Et c'est ce qu'on a de particulier dans cette histoire-là. Mumtaz Mahal est vraiment sa préférée. Oui. Mumtaz qui veut dire en fait l'élu du palais. Alors, parce que son vrai nom c'est Arjuman et il va l'appeler Mumtaz Mahal pour dire l'élu du palais. Elle est la numéro un. Elle est la seconde épouse de 6 de Shah Jahan. Ouais. Et cette femme-là va être la plus couverte de bijoux, la plus riche, va être celle qui va l'accompagner dans ses campagnes militaires, celle avec laquelle il va passer la majorité de ses soirées lorsqu'il a du temps libre pour écouter de la musique, fumer de l'opium, boire de l'alcool. Elle est vraiment toujours la choisie et on sait qu'elle a eu un rôle politique aussi, ce qui est très rare parce qu'elle devient la conseillère aussi de Shah Jahan en temps de guerre, mais aussi en temps de paix. Ce sont des amoureux des arts en particulier. Ils vont passer des soirées à penser des monuments, à penser des bijoux, parce que c'est un peu comme les Ottomans, les empereurs aimaient faire des bijoux aussi, aimaient travailler les objets. Alors, c'est une relation qui est très intime, qu'on voit très rarement quand vous avez des empereurs comme ça qui ont plusieurs épouses et un harem à leur disposition. Donc, une relation d'amour vraiment hors norme pour ce contexte et cette époque. Et ça va donner un monument, parce que c'est ça, quand elle meurt, il se morfond de chagrin, le brave empereur. Pendant 2 ans. Voilà. Et décide de lui construire un monument digne d'elle, finalement. Oui. Les poètes vont dire à l'époque que ce monument-là est pensé pour être une larme sur la joue du temps. Alors, la poésie moghole, je reconnais la romantique, quelque chose. Là. Et oui, mais il y a quelque chose de très beau dans la poésie orientale, et moghole en particulier. Shah Jahan, lorsque son épouse meurt en 1631, en donnant naissance à leur 14e enfant, donc c'est quasiment un enfant par année aussi. Alors, ça veut dire qu'il l'a honoré de façon très régulière. S'enferme pendant 2 ans. C'est un empereur qui va moins assurer, en fait, ses fonctions officielles. Ne va porter que du blanc, pas de parfum. Pas de bijoux, n'écoutera plus de musique pendant 2 ans. Donc, c'est vraiment comme une retraite de deuil. Et c'est pendant ce temps-là qu'il va commencer à penser ce monument qui se veut effectivement un poème d'amour dans le marbre. On l'a toujours présenté comme ça parce que c'est l'objectif. Ouais. Et il veut un monument qui, à tout jamais, va pouvoir témoigner que son amour pour Mumtaz Mahal a été plus grand que toutes les histoires d'amour du monde. Et quelque part, il a réussi, parce que quand on parle de l'amour, c'est un des premiers monuments qui nous vient en tête encore aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça va donner? On a tous, je pense, une image en tête, mais comment le décrire, ce magnifique poème d'amour? Ce poème d'amour, en fait, il faut penser au paradis. Le premier mot que vous devez avoir en tête, c'est ça, parce que Shah Jahan l'a pensé comme étant une vision terrestre de ce qui était les paradis du Coran. Alors, c'est sûr que les Moghols, bien qu'on soit en Inde, sont musulmans. Alors, Shah Jahan pratique la religion musulmane, même si c'est plus de 100 millions d'habitants, qu'il y a de l'hindouisme et même du christianisme dans cet empire, on n'impose pas l'islam, mais lui est musulman. Et on va aller chercher donc l'architecture musulmane. Il y a des versets du Coran qui vont être inscrits un peu partout. Et c'est comme ça que ce qu'on désire, en fait, c'est qu'on s'avance vers le Taj Mahal comme on s'avancerait, en fait, devant le palais de Dieu. Mm-hmm. Et c'est pour ça que vous avez, en fait, des espèces d'arches d'entrée qui, elles, sont de couleur rouge. Et il y a déjà une illusion d'optique qui existe. C'est pour ça qu'on dit un poème d'amour dans le marbre, c'est que l'architecture est poétique ici. Ouais. Alors, vous avez cette espèce d'arche d'entrée rouge, et là, vous faites face à cette espèce de rivière qui vous mène vers le Taj Mahal, qui se reflète, en fait, dans cette rivière-là. Et quand vous vous avancez vers l'arche, le Taj Mahal rapetisse. Alors, plus vous approchez du Taj Mahal, plus il a l'air petit. Et quand vous le quittez, si vous marchez, mettons, de reculons, puis là, on a l'impression, à travers la porte de l'arche, qu'il grandit. Et on a toujours dit que c'était pour que vous l'apportiez avec vous dans votre cœur quand vous le quittiez. Donc, quand on dit que c'est l'architecture qui parle ici, qui est poétique, c'est un peu ça. Alors, il y a cette rivière qui s'avance, et quand on lève les yeux, eh bien, vous avez cet immense monument qui est gigantesque, avec ce dôme de 74 mètres qui représente un lotus inversé, avec des minarets de marbre, une structure en marbre insérée de différentes pierres précieuses. On a parlé tantôt dans l'extrait de jaspe, de jade, mais il y a de l'améthyste là-dedans, il y a du grenat, il y a de l'onyx, il y a plein de choses, et ça vous donne un effet, peu importe le jeu de lumière, jour, nuit, soir, qui est tout simplement inégalé dans l'histoire. Bon, on y vient à cet aspect fascinant de la luminosité de ce monument, et c'est beaucoup dû justement à ces pierres précieuses qu'il contient. On écoute, et encore une fois, on est dans l'architecture même du Taj Mahal, toujours, on est dans cette histoire d'amour, dans cette ode que veut faire l'empereur à Mumtaz Mahal. On écoute Louise Godin nous parler justement de cette question de la magie de la lumière au Taj Mahal, extrait de l'émission La vie quotidienne en 1980. Et lui a décidé de faire cette mausolée en marbre blanc, parce que le marbre reflète la lumière de la lune, et l'orientation des fenêtres du Taj Mahal fait qu'elle est baignée selon le passage de la lune, la tombe de son épouse qui est au centre, selon les fenêtres, il peut toujours y avoir un rayon de lune sur la tombe de son épouse, et avec des petites alcôves où il pouvait pleurer, et l'écho de ses pleurs retentissait dans tout le Taj Mahal. Alors au point de vue acoustique, c'était parfait. Au point de vue des passages de la lune, c'était parfait. Et les angles, ça a l'air d'être carré, mais ça a été calculé pour que ça donne cette illusion-là. C'est c'est vraiment d'une très, très grande beauté, le Taj Mahal. Parce que le Mahal... Tout ça, c'est ces perspectives, ce jeu avec la géométrie, la symétrie, ce jeu avec la lumière, tout ça a été pensé et réfléchi. Évelyne Ferron, entre autres, vous parlez des pierres précieuses, mais puisqu'on est dans la lumière, dans la façon dont ce monument se transforme au fil du temps, au fil du jour, au fil de l'évolution de la lumière... tout ça tourne autour de cette technique de la pietra d'ora, entre autres. Qu'est-ce que c'est? C'est une technique de la Renaissance italienne. Donc, le Taj Mahal commence à être construit en 1632. C'est sûr que la structure de marbre, c'est pas tout le monument qui est en marbre, parce qu'on parle quand même de quelque chose de plus de 30 tonnes. On faisait cuire les briques sur place. Donc, la structure a été construite en briques et on est allé chercher du marbre du Rajasthan, un marbre bien précis, parce qu'il était justement réputé comme étant plus blanc, plus facile à travailler et très lumineux, parce qu'il y a des variantes dans le marbre. Mais ce que Shah Jahan voulait, les Moghols sont des champions de la joaillerie en Inde. Dans l'histoire de l'Inde, dans la joaillerie, c'est l'apogée, en fait, de la joaillerie. Et il veut qu'on ait un bijou comme monument. Alors, on savait qu'en Italie, il y avait une technique qui s'appelait la pietra d'ora, donc la pierre dorée, où on était capable d'aller incruster tout petits fragments de différentes pierres précieuses et jamais les mêmes côte à côte pour que justement, tout dépend du type de lumière qui reflète sur le bâtiment, on crée des jeux en fait de lumière, des jeux de couleurs. Et c'est ce qui fait que des fois, le Taj Mahal sur une photo peut avoir l'air rosé. C'est ce qui fait que sur une autre photo, il va avoir l'air un peu bleuté ou un peu mauve. C'est que ça dépend de la lumière du jour, de l'appareil et de quelle pierre précieuse reflète. Alors, on est allé incruster, il y a des Italiens donc qui sont venus d'ailleurs en Inde, on est allé incruster dans le marbre de l'onyx, de l'améthyste, du grenat. Il y a de l'or aussi d'insérer à quelques endroits. On est allé chercher du jade, alors ça, c'est quand même intéressant aussi, pour essayer de donner ces espèces de reflets de différentes couleurs. Et ce sont des mini fragments qui sont comme ça incrustés dans le marbre sur toute la surface intérieure et extérieure du bâtiment. Alors ça, c'est quelque chose. Ça, c'est une première grande particularité de ce monument. Sinon, pour terminer sur le plan architectural, que dire d'autre? De quelle manière il se distingue encore, ce Taj Mahal? Bien, il se distingue aussi parce qu'il est sur le bord d'une rivière, la rivière Yamuna, ça, il faut le dire. Et ça, c'est assez inusité, c'est que quand on est sur le bord d'une rivière, le sol est meuble. Le sol n'est pas solide. Il fallait régler ça si on voulait avoir une plateforme qui allait supporter un monument aussi gigantesque. Donc, le dôme seulement, c'est 74 mètres. Mais vous avez une immense plateforme, vous avez des minarets qui mesurent plus de 42 mètres, il y en a quatre, qui sont inclinés vers l'extérieur. Donc, s'il y a un tremblement de terre, ils ne s'effondreront pas sur le dôme, ils vont s'effondrer à l'extérieur. Et ce qui est particulier aussi, c'est qu'on a creusé complètement le sous-sol où est-ce qu'est le monument. On a fait des puits pour drainer l'eau, on a rempli ça de pierre et on a fait des arches. Alors, il y a en fait un immense tunnel de pierre qui vient soutenir, en fait, la base du Taj Mahal et qui fait qu'il est toujours aussi droit. Peu importe les tremblements de terre au fil du temps, peu importe le mouvement du sol, ce monument-là n'a pas bougé, ne s'est jamais incliné. Alors, et ça, c'est particulier. Tout le jeu de lignes, on n'en a pas parlé, mais c'est l'harmonie, l'équilibre, la finesse, c'est ça aussi, le Taj Mahal. Oui. Évidemment, on ne peut pas parler du Taj Mahal sans parler de ses jardins. À nouveau, un extrait de cette vidéo d'UNESCO présentant le Taj Mahal. Un grand jardin s'étend devant le mausolée avec beaucoup de verdure et de l'eau en abondance. Pour la population musulmane du désert, ils sont le symbole du paradis. Des motifs étoilés ornent les pelouses vertes, des formes qui peuvent également se retrouver sur les dalles de marbre. Les étoiles sont le symbole du paradis dans la culture islamique. En les dispersant partout, l'empereur a voulu conduire son épouse vers le paradis. À la mort de l'impératrice, Shah Jahan était si désespéré que sa barbe est devenue grise. Dans les dernières années de sa vie, il a été placé en résidence surveillée par son troisième fils dans ce château situé de l'autre côté du lac. Lorsqu'il regardait son mausolée, les nombreux souvenirs de sa femme revenaient. C'était sa seule consolation. On n'en sort pas de cette histoire d'amour. Elle est partout présente dans l'histoire de cet Taj Mahal. Donc, un château pour l'empereur où il peut de loin regarder sa bien-aimée, sa défunte bien-aimée. Mais parlons au fond de ses jardins. On ne l'a pas beaucoup fait encore. Des autres bâtiments aussi qui sont sur ce site du Taj Mahal, de ce mausolée. Oui, parce qu'il y a les palais, effectivement. On est à Agra, donc c'est vraiment la capitale. Alors, on n'est vraiment pas loin, en fait, des résidences royales de tous les empereurs moghols. Il y en a plusieurs, en fait. Et Shah Jahan s'était arrangé pour que le Taj Mahal soit effectivement visible au cours de sa vie. Et oui, quand je vous disais que le but, c'était d'avoir un paradis sur terre, ben, c'est un peu l'objectif. Donc, de cette porte d'entrée où on voit cette espèce de rivière qui mène au monument, bien là, de chaque côté, vous avez des jardins rectangulaires verts qui sont séparés par des petites rigoles d'eau qui sont inspirées de la description des jardins du paradis du Coran. Alors, c'est pour ça que vous allez avoir, oui, les formes des étoiles telles que mentionnées dans l'extrait, mais vous allez avoir des cyprès qui vont venir faire de l'ombre parce que même le jardin sert à jouer sur les effets d'ombre et de lumière tout au cours de la journée qui vont se refléter dans les canaux. C'est vraiment pour donner l'impression, en fait, sans parler de bouddhisme parce qu'on est dans l'islam, mais c'est vraiment l'idée que la vie, la nature, c'est un cycle constant. Oui. C'est ce qu'on voit à travers la nuit, le jour, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais. On voit en fait toujours ces transformations-là de la nature à travers le panorama des jardins. Et Mumtaz Mahal n'est pas inhumé dans le cénotaphe qui se trouve dans le monument. Donc, vous avez son cénotaphe qui est là en marbre, mais ça a toujours été un faux tombeau. Ah bon? Parce qu'elle est en fait au niveau des jardins, elle est en dessous. Et oui. Shah Jahan aussi aujourd'hui, parce que l'objectif c'était... De manière imaginaire qu'elle se promène dans les jardins, peu importe quand ça lui plairait. Parlons, Évelyne Ferron, de la construction d'un pareil monument. Qu'est-ce que ça a voulu dire? Qu'est-ce que ça a représenté, cette entreprise de construction du Taj Mahal? C'est une entreprise énorme. Il faut dire que l'Empire moghol au 17e siècle, c'est l'apogée, en fait, de cette civilisation-là. C'est un empire qui est gigantesque et qui est très riche, qui est assez paisible lorsque Mumtaz Mahal meurt aussi. Alors, on n'a pas à investir dans l'armée. Jahan ne regardera pas, en fait, la dépense. Ce qu'on sait, c'est que la construction a duré à peu près 12 ans et a nécessité au minimum 20 000 travailleurs de façon assez constante. Alors, on avait besoin, on voulait les meilleurs maçons, on voulait les meilleurs architectes. On a fait venir des gens d'un petit peu partout, de Perse et même d'Italie, pour la pietra d'ora, pour les différentes techniques. C'est des milliers d'éléphants qui vont transporter le marbre qui est à peu près à 15-20 km de là, au Rajasthan. C'est aussi les gens qui vont, comme je vous disais, cuire la brique sur place et qui vont faire la structure extérieure pendant que les autres commencent à tailler le marbre. Et une fois que le marbre est installé, il va falloir insérer les pierres précieuses. Ça a coûté tellement cher. Et chaque fois qu'on dit « Ah, mais il faudrait faire ça de telle façon », Shah Jahan disait « Faites-le. Si c'est ce qui fait que le monument va être le plus beau au monde, je ne regarde pas la dépense. » Au point où il y avait des livraisons de céréales qui étaient destinées pour certaines régions, en fait, de l'Empire moghol, qui ne se rendaient pas parce qu'il fallait surtout nourrir les gens qui étaient sur place pour le travail. Alors, ça a provoqué des famines dans le sud de l'Inde. Incroyable. Parce que les livraisons dues ont été monopolisées. Affamer la population. Pour construire le Taj Mahal. Ça, c'est l'histoire un peu moins connue en dessous, mais il y a une famine importante, surtout dans le sud de l'Inde, qui est directement liée à ça. Parlons-en un peu plus de cet empereur, Shah Jahan. Qui est-il? Comment devient-il empereur, Évelyne Ferron? Chez les Moghols, ici, on peut faire des parallèles avec les Ottomans. C'est une méritocratie. Alors, les empereurs, comme je vous disais, ont beaucoup d'enfants. C'est pour ça qu'ils ont des harems. Ils veulent le plus d'héritiers possible qui vont atteindre l'âge adulte, mais aussi, c'est qu'ils veulent avoir le choix du successeur. On veut le meilleur chez nos enfants, chez les fils. C'est un pouvoir, bien entendu, qui se transmet là, chez les hommes. Et Shah Jahan était en compétition donc, contre plusieurs de ses frères, mais déjà adolescent, le père le préférait. Et c'est pour ça qu'à l'âge de 25 ans, on va l'appeler Shah Jahan, le roi du monde. Donc, le mot était déjà là. Tu as sur tes épaules une tâche assez colossale. Mais c'était celui qui était le plus religieux. C'était celui qui était le plus posé aussi, qui était peut-être le moins agressif. Mais c'est des joutes, comme on voit chez les Ottomans, où on s'empoisonne, on paie des gens pour tuer l'autre, etc. Il a joué ce jeu-là, mais au bout du compte, eh bien, ses frères finissent par tous s'éliminer entre eux et Shah Jahan reste le seul et unique qui va prendre le pouvoir. Mais c'est un des grands empereurs avec Babur qu'on connaît là, de l'Empire moghol dans l'histoire de cette civilisation. Et Mumtaz Mahal, on a parlé de sa proximité, de la grande relation d'amour qu'elle a eue et du pouvoir qu'elle y a gagné avec l'empereur. Comment réussit-elle à... ça nous amène à parler un petit peu de la vie dans le harem. Comment elle réussit à s'élever, à devenir la préférée de l'empereur? Si on en croit les chroniqueurs de l'époque, c'est sûr qu'elle est très jolie, mais ça n'aurait pas suffi. Un harem vous fournit beaucoup de jolies femmes, donc c'est pas nécessairement la seule qualité dont vous avez besoin, c'est qu'elle est intelligente et elle est intéressée par la politique, ce qui n'est pas nécessairement le cas de la majorité des femmes auxquelles, même si elles sont éduquées quand même, on parle peu de politique. Elle, ça l'a toujours intéressée. C'est sûr que c'est une femme qui vient des hautes classes, donc elle avait peut-être une éducation un peu plus avancée. Et elle lui a été donnée comme épouse avant qu'il soit empereur, donc il était déjà marié à elle avant. Elle était sa seconde épouse, il y en avait une première déjà dans le décor. Et quand il devient empereur, ben déjà, voilà, il l'appelle Mumtaz Mahal, elle sera l'élue du palais. Et ce sera l'épouse choisie avec laquelle je passerai le plus de temps. Dans le harem, il y a un protocole à respecter. Il y a tout un univers, en fait, chez les femmes, où quand vous arrivez là, souvent, tout dépend de votre classe sociale, peut-être que vous n'aurez la chance de coucher avec l'empereur qu'une seule fois et vous allez plutôt vous occuper des lits, vous allez plutôt vous occuper du parfum, des pétales de rose qu'on met un peu partout. Donc, il y a ces tâches-là aussi, des tâches plus domestiques. Et quand vous êtes dans les hautes classes, eh bien là, vous avez, votre rôle, c'est de divertir l'empereur. Alors, vous devez être musicienne, vous devez être danseuse et vous devez avoir un art de la conversation et de l'esthétique. Et l'empereur, lui, distingue les femmes par les bijoux. Alors, plus une femme est couverte de bijoux chez les Moghols, plus elle est distinguée parmi les femmes et ça lui donne un pouvoir dans le harem pour gérer un peu qui sera dans l'entourage de l'empereur et tout ça. Elle commence à avoir cette incidence-là, mais ça lui donne aussi un rôle éventuellement de proximité qui peut lui permettre de s'investir en politique. Et Mumtaz a tout ça à portée de la main. On revient au Taj Mahal comme tel, au monument. Évidemment, aujourd'hui, c'est l'un des sites les plus visités dans le monde. On a failli le perdre. Écoutez cet extrait de l'émission L'Aventure en 93, où le réalisateur et auteur François Jobin raconte qu'un des gouverneurs, à l'époque de l'occupation britannique, un des gouverneurs britanniques, voulait carrément raser le Taj Mahal. Le monument faillit ne pas durer jusqu'à nous. Un gouverneur anglais, Lord Bentinck, probablement un précurseur de nos gestionnaires contemporains qui s'affublent d'un MBA et pour qui seul compte la notion de profit, a proposé de démolir le Taj Mahal et de vendre les matériaux puisque l'édifice ne rapportait rien. Je vais vous citer Gustave Lebon, l'historien itinérant français, qui a passé des commentaires sur ce Lord Bentinck. Il s'agissait pourtant, dit-il, d'un édifice dont on a dit qu'il valait à lui seul le voyage de l'Inde et qui est certainement un des plus remarquables monuments qui ait jamais été construit de la main des hommes. Mais ce sont là des impressions d'artistes, n'entendant rien aux mœurs commerciales. Ces dernières envahissent assez vite le monde pour qu'on puisse déjà pressentir une époque où la Vénus de Milo sera vendue pour fabriquer du mortier. » Alors, Évelyne Ferron, qu'est-ce qui aura finalement, heureusement, permis de sauver le Taj Mahal? Les Indiens eux-mêmes. Ouais. Pour eux, c'est le symbole, l'un des plus grands symboles de leur histoire et de la grandeur de ce qu'a été l'Inde avant la conquête britannique. Et il y a aussi beaucoup de Britanniques qui regardent ce monument-là et qui se disent « Détruire ça, je veux dire, c'est impossible, c'est un joyau dans le marbre, il n'y a rien qui se compare à ça dans le monde. » Donc, quand ce gouverneur a cette idée, on c'est farfelu. En fait, au point où le vice-roi, plus tard, Curzon, va plutôt investir pour le restaurer. Parce que c'est sûr qu'à la chute de l'Empire moghol, c'est un monument qui ne ressemblait pas à ce qu'on voit aujourd'hui. Là. Il était quand même... on avait volé les clôtures en or. Il y a plein de choses qui avaient été arrachées dans ce monument-là depuis le 18e siècle. Et ce qu'on veut, c'est le restaurer. On a investi plutôt pour l'inverse. Oui. Le restaurer jusqu'à des politiques encore aujourd'hui contre la pollution et tout ça pour s'assurer que ce marbre-là reste le plus beau possible. Ben justement, on termine là-dessus. Qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui, le Taj Mahal? Il est en danger de plusieurs façons. Depuis la fin des années 90, les menaces d'islam intégriste, donc avant même septembre 2001, menacent l'Inde et ce monument-là est un symbole un peu comme Palmyre et comme d'autres sites en Irak. Je dirais un site dit païen pour les extrémistes et donc il est surprotégé maintenant, donc on ne peut plus voir le cénotaphe, sauf sous demande très spéciale, parce qu'on a toujours cette crainte à un moment donné que soit Al-Qaïda, l'État islamique ou des branches affiliées finissent par attaquer ce joyau-là pour faire un coup d'éclat spectaculaire. Alors, il est menacé, mais il est menacé aussi par le climat et par la pollution de l'Inde aussi. Alors ça fait partie des enjeux qui rendent la conservation difficile présentement. Évelyne Ferron, historienne, merci beaucoup de votre participation à l'émission. Ça m'a fait plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.